Salut à tous et à tous, c'est Génération Manga, épisode 528. Et c'est l'avant-dernière de la saison. Ah bah oui, oh non, non. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, comme Radio Campus va déménager cet été, du coup, on finit la saison plus tôt. Vous savez que ce n'est pas de mon fait, hein. Moi, je suis là jusqu'au bout de la nuit. Donc, on se retrouvera en septembre, mais bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, hein. Donc, c'est l'avant-dernière, donc il y a encore celle de la semaine prochaine, hein, et puis le lendemain de lundi, ce sera mardi 21 juin, ce sera la fête de la ZIC. Eh oui, donc faut se mettre dans l'ambiance. Alors, je vais commencer par vous parler d'un petit coup de cœur du moment. C'est le tout nouveau manga des auteurs de Death Note. Donc, vous vous rappelez de Death Note, bien sûr, c'était un manga culte, hein, qui est sorti il y a quelques années déjà, donc qui racontait l'histoire d'un lycéen qui tombait sur le Death Note, donc un cahier qui permet à ce dernier de tuer les criminels, parce que tous les noms qui sont inscrits dans le cahier, donc la personne qui porte ce nom a une crise cardiaque, voire plus. Et il a toujours un ange de la mort autour de lui, tout ça, il combat elle et tout ça. Enfin bon, je vais pas vous raconter Death Note, vous connaissez ça par cœur. Si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous inciter à vous y mettre. Donc il y a les mangas qui sont sortis, il y a l'animé qui est sorti, il y a même des films live qui sont sortis, qui sont très bien. Et il va y avoir d'ailleurs un remake américain du film live qui va sortir aussi. Donc Death Note, si vous n'y êtes pas déjà mis, mettez-vous-en. Moi, ce que je vais vous parler, donc, c'est de la nouvelle série, de la nouvelle œuvre donc, de ces deux compères, qui s'appelle Platinum End. Alors, ça cause de quoi Platinum End ? Il y a le premier tome qui vient de sortir, qui vient juste de sortir. Donc, en fait, c'est un adolescent qui a eu assez de malheur dans sa vie. Ses parents sont décédés, donc c'est sa tante et son oncle qui s'en occupent. Mais ils sont plutôt violents et on n'en a plutôt rien à foutre. Et donc, du coup, il décide de se suicider. Et en fait, quand il se suicide, il y a un ange qui vient le sauver et qui lui dit bah, finalement, je viens pour. Tu as demandé avant de sauter, avoir une vie meilleure quand même, si c'était possible. Donc, je vais te la donner. Donc, elle lui donne en fait deux pouvoirs. Et grâce à ces pouvoirs, il peut soit tuer n'importe qui, soit rendre amoureux de lui n'importe qui pendant 33 jours. Donc du coup au début il est pas très motivé, il dit ouais bof, et en fait il s'avère qu'il apprend par la suite, parce que l'ange lui a pas tout dit tout de suite, qu'en fait c'est pour devenir un dieu. Donc pour devenir un dieu, il y a 13 mortels qui donc ont un ange et qui lui ont donné à tous ce genre de pouvoir. Et donc il y en a un qui est en fait un grand footballeur ou enfin un grand sportif, en tout cas je ne sais plus exactement le sport, ça n'a pas d'importance, qui se trahit donc dans son appartenance donc aux gens qui ont été castés pour le truc, quoi, parce qu'il demande en fait à une demi-douzaine de jolies filles de tomber amoureuses de lui. Donc du coup c'est le gars qui n'a rien compris, et donc il se fait laminer par l'un des 13 conquérants au titre, quoi, candidats au titre. Et c'est là que notre héros s'aperçoit qu'en fait, l'un des protagonistes qui ont été des mêmes pouvoirs que lui a décidé, en fait, pour être sûr d'être le meilleur des 13, de liquider tout simplement les 12 autres. Donc voilà, donc il se fait passer un peu pour un super-héros, il essaie d'intervenir donc pour arrêter les criminels, parce que grâce à son pouvoir, il peut faire en sorte que soit les criminels se rendent en étant amoureux de lui, soit il peut les tuer simplement avec la flèche magique, tout ça. Donc du coup, il se dit moi je vais me tenir plutôt à carreau, parce que j'ai pas envie qu'il me zigouille, d'autant que ça m'intéresse pas de devenir le prochain dieu. Donc voilà. Et en fait, donc tous les personnages qui ont donc ces pouvoirs peuvent se reconnaître entre eux parce qu'ils ont leur ange au-dessus de la tête, comme Ryu qui était toujours vers Light dans Death Note. Et donc voilà, ça commence comme ça et ça a l'air assez sympa. Donc je vous encourage donc à y jeter un œil. Voilà. Donc ça c'était pour la brève manga du jour. Alors le petit collector de la semaine, parce qu'on va commencer tout de suite par le collector, c'est un truc qui est pas manga du tout. J'imagine que vous connaissez tous Un gars, une fille. Chouchou, loulou, tout ça, ça. Bon, vous savez que c'est pas du tout notre propos ici à Génération Manga. Par contre, ce qui est notre propos, c'est les génériques télé. Eh bien, saviez-vous que Un gars, une fille, ça a un générique TV chanté ? Parce que moi, j'ai appris ça ce week-end, en fait. Je suis tombé par hasard sur le CD single. Et donc, j'ignorais totalement qu'il y avait une chanson pour ce truc-là. Et à plus forte raison, comme c'est des programmes courts, il y avait juste le... Alors... bien mal, j'aurais eu du mal à deviner qu'il y avait une chanson. Oui, il y a une chanson. Il y a une chanson d'un gars et une fille. Ça s'appelle C'est aussi pour ça qu'on s'aime. Et c'est le petit collector de la semaine que je vous propose tout de suite. C'est aussi pour ça qu'on s'aime, un gars et une fille. a des jours comme ça où décidément rien ne va. Ça sert à rien de vouloir insister, car tout est bon pour s'engueuler. On dit que la vie à deux c'est très sympa, surtout quand chacun vit chez soi. C'est qu'on aurait peut-être dû y penser, maintenant c'est trop tard, t'es fiché. Bien commencé, le soir c'était malheureusement après quelques années c'est ambiance. Oh non, je suis fatiguée. Ok, avant tu sortais le grand jeu d'une déclaration fleur bleue. Maintenant tu tapes le match à la télé, opération bière canapé. C'est aussi pour ça qu'on s'aime, pour nos différences et nos dilemmes. On récolte ce que l'on sait. Il y a des bas. Et quand on peut prendre enfin du bon temps, il faut se coller dans la main. Tu dis que la vie à deux c'est très sympa, mais que pour le reste on verra. Pour toi tout est déjà bien planifié, fiançailles, mariage et bébé. C'est aussi pour ça qu'on s'aime, pour nos différences et nos dilemmes. On récolte ce que l'on sait. C'est bon, ça va bien. Véga, j'étais à l'œil. C'est l'amour avec un grand air. Ici, viens ici, viens ici. C'est aussi pour ça qu'on s'aime. Yes. Pour nos différences et nos dilemmes. On récolte ce que l'on sait. Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est l'amour avec un grand air. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous avez découvert ça, hein, et voilà, c'est aussi pour ça qu'on s'aime. Donc voilà, je voulais mettre un petit peu d'ambiance, un petit peu de joyeuseté, parce que malheureusement, on a quand même encore un carnet noir cette semaine, et bien peu de gens en parlent, malheureusement, alors que c'est quand même assez important, je veux dire. Hein. Donc, c'est un décès qui n'est pas intervenu récemment, en fait, ça fait déjà quelques temps que cette personne n'est plus avec nous, malheureusement, mais on vient juste de l'apprendre et de le certifier. C'est le décès de Bruno René Huchez. Alors, Bruno René Huchez, c'est quand même quelqu'un d'important pour la Japanimation en France, parce que c'est le fameux Hubert Chonzu que vous voyez souvent dans les dessins animés dans les années 80. Vous vous rappelez une sélection d'Hubert Chonzu? Et ben voilà, c'était Bruno René Huchez. Et donc Bruno René Huchez, ah c'est compliqué les noms compliqués. C'était quand même celui qui a amené Goldorak en France. Bon, pas tout seul, mais essentiellement lui. On lui doit Sankuka, Albator 84, les Tortues Ninja aussi, cette fameuse série des années 80 que vous aimez tant. Et ben Bruno René Huchez, on va l'appeler BRH hein, pour faciliter. Donc Huchez a aussi participé au scénario. Bien sûr, il a fait des scénarios de plein de séries. Il a fait aussi Clémentine et plein de choses. Donc on lui en doit beaucoup quand même. Alors c'est un personnage assez particulier quand même, BRH. C'était entre autres la personne qui a fait un petit peu un scandale quand sont sortis les DVD de Goldorak chez Déclic Images. Ces derniers n'avaient pas les droits, donc il était allé faire un petit peu le scandale devant le magasin Manga Distribution à l'époque. Et donc, voilà, c'est un sacré numéro. Et sachez que c'est en la possession de cette personne qu'est le Sankukai, la maquette qui a servi au tournage de la série Sankukai. Elle est chez Bruno René Huchez. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver à cette maquette? Je ne sais pas. J'espère que personne n'aura la mauvaise idée de la jeter. Ouh, quelle horreur! Je préfère pas y penser. Donc voilà, Bruno René Huchez, c'est quand même quelqu'un d'important. Il fallait quand même qu'on salue. Et si vous avez envie d'entendre une interview de Bruno René Huchez, je vous conseille, dès que Génération Manga est terminée, donc à 21h, de vous brancher sur Animusic, qui va diffuser donc une interview fleuve qu'ils avaient réalisée donc avec Bruno René Huchez. Et apparemment, j'ai pas encore entendu cette fameuse interview, mais elle est assez survoltée. Donc voilà, donc dès que Génération Manga est finie, vous allez sur Animusic, c'est une web radio, et vous écoutez donc Bruno René Huchez. Et donc, pour parler un petit peu plus, enfin pour lui rendre un petit peu hommage, je vais maintenant vous mettre une chanson d'un dessin animé sur lequel il a travaillé, puisqu'il s'agit de Marianne Première. Donc, c'est un dessin animé français qui est français. Bon, ça suffit, vous savez ce que ça veut dire dans ma bouche, je dis ça. Et, donc, Marianne Première, respect à Bruno René Huchez. T'en vas galopant, toujours droit devant, les cheveux au vent, tambour battant, chevauché ou croisé le fer, non pour toi plus aucun mystère, tu abandonnes loin derrière tous tes mauvais chagrins d'hier, débarquant à La Rochelle. Cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, l'étau se resserre tout autour de toi. Au galop tu vas, comment ne pas voir qu'il y a de l'espoir dans ton regard, dans les coins sombres et dangereux, tes amis John et Renard Bleu te protégeront de leur mieux, et tu pourras compter sur eux, sur les remparts et les chemins. Empare-toi de ton destin, oui, car au bout de tes efforts, tu retrouveras le trésor. Et n'oublie pas, Marianne, surtout ne te retourne pas. Quand à La Rochelle, cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, l'étau se resserre tout autour de toi. Voilà. Voilà, Marianne Première. Donc cette chanson, vous pouvez la trouver que et uniquement sur le CD de Logarithme, Master Générique, Les Succès d'IDDH. Voilà, je ne sais plus si c'est volume 1 ou volume 2. Donc c'est jamais sorti ailleurs la chanson, donc cherchez pas, c'est jamais sorti en disque, c'est jamais sorti nulle part à part ça. Donc voilà, c'est exclusif ça, hein, tu vois, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval, comme on dirait. Hein. Non, donc voilà. Alors on parlait un petit peu de Sam Cooke, vous n'ignorez pas que Kavinsky, donc c'est un compositeur, a repris à son compte plusieurs musiques, des musiques de Dragon Ball Z et une musique de Sam Cooke. Une musique française, donc, parce que je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que la bande originale japonaise de Sam Cooke a été remplacée par une française. Et donc, à l'origine, au Japon, c'est Shunsuke Kikuchi qui signe la BO. Donc, on lui doit, bien sûr, Goldorak, Albator 84 et Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc voilà, autant dire que vous voyez un petit peu le genre de musique qui est très bien, qui est, voilà. Et ben non, à la place, en France, on a dû se coltiner du Barbu Olivien et du Chardin. Donc voilà, bon après, c'est pas mauvais en soi, mais quand on regarde la série en VO, ben, ça change tout. Hein. Donc si vous avez jamais vu Sam Cooke en VO, je vous conseille de regarder Sam Cooke en VO, parce que ça change tout. La musique différente, là, ça n'a plus rien à voir. Et où est-ce qu'on peut trouver Sam Cooke en VO? Ben, tout simplement sur le coffret collector DVD qui est sorti et qui est en vente partout, avec la VO et la VF. Voilà, tout simplement, les enfants, oui, c'est pas compliqué. Donc je vous incite fortement à vous y mettre si vous êtes fan de Sam Cooke, et puis même si vous ne l'êtes pas d'ailleurs. Sur cette musique donc recomposée, il n'a pas fait grand chose dessus, mais enfin bon, réarrangée on va dire par Kavinsky, notre ami Kenshiro76 s'amusait à mettre des paroles, donc je vais essayer de vous faire ça. Donc c'est une exclusivité, vous ne l'avez jamais entendu nulle part, c'est parti. Spatiale, les humains perdirent leur terre, leur extinction fut brutale, mais les colons subsistèrent jusqu'à la troisième planète du premier système solaire. La vie peut maintenant renaître. Mais ailleurs il y a la guerre. À bien 15 années-lumière, brille le soleil Glora. Trois planètes y culminèrent chez ta analyse Belda. L'une d'entre elles est attaquée par des tyrans sans pitié, gouvernés par Golem 13. Ils réduisent ville en reste. L'école Navi de Belda peut compter sur Eolia, Siman, Ryu et Hayato, puis le robot Silero à bord du grand Sam Cooke. Nos héros livrent bataille, le fantôme de l'Azuris les aide pour sauver Analyse. Oh, Sam Cooke, Blizzard, voilà, voilà. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est un peu space, hein, bien sûr. Donc, on continue un petit peu notre petit tour d'horizon là sur les séries que nous a apporté Bruno René Huchez. Et bien sûr, les Trois Mousquetaires avec les chiens, la version canine, hein, bien sûr. Donc, vous connaissez tous le générique. Mais est-ce que vous vous rappelez de D'Artagnan Trois Amis? Et oui, parce qu'en fait, en préambule du générique donc de D'Artachien, parce que c'est une coproduction japonaise et espagnole. Nous avions D'Artagnan Trois Amis, chanté aussi par Jean-Jacques Debout. Et donc, avec des images un petit peu tirées d'illustrations de romans des Trois Mousquetaires, on avait ça, production IDDH, machin truc et tout ça. Donc, D'Artagnan Trois Amis, c'est parti! Viens voir les Trois Mousquetaires qui mènent des vies de chiens. À cheval dans la poussière, ils sont sur tous les chemins. Quand ils sont à la guerre, ils se battent vite et bien. Contre l'armée d'Angleterre, un pour tous et tous pour un. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. D'Artagnan, trois amis, mousquetaires à Paris. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. Les cadets que voilà sont les cadets du roi. S'il se bat sans vergogne, s'il ne connaît pas la peur, un D'Artagnan de Gascogne s'est montré qu'il a du cœur. Pour les ferrets de la reine, lui et ses joyeux amis, au pied de la souveraine, pourraient bien donner leur vie. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. D'Artagnan, trois amis, mousquetaires à Paris. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. Les cadets que voilà sont les cadets du roi. On sait que vous n'aimez guère ce que nous aimons le mieux, disent les Trois Mousquetaires à Monsieur de Richelieu. Mais pour l'amour de la reine, sans pitié pour Milady, ils gardent le cœur fidèle à tout ce qu'ils ont promis. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. D'Artagnan, trois amis, mousquetaires à Paris. D'Artagnan, Aramis, Porthos et puis Athos. Les cadets que voilà sont les cadets du roi. Les cadets que voilà sont les cadets du roi. Eh hein, ça envoie du bois. Oui. Oui, Jean-Jacques Debout qui fait quand même des trucs pas mal. Je vous rappelle que c'est le mari de Chantal Goya, donc il a écrit tous les textes de Chantal Goya. Et il a écrit aussi Capitaine Flamme. C'est pas lui qui chante, mais c'est lui qui a écrit. Voilà. Un petit retour maintenant sur notre ami Savelli, Jean-Pierre Savelli, parce qu'il a enregistré pour le compte d'AB Productions le générique d'Équipière de Choc avec une chanteuse. Et c'est une chanson qui est pas très connue, qu'on ne retrouve que sur le CD Génération Manga. Équipière de Choc, c'était You Under Arrest en fait. Hein, donc la série télé qui passait donc dans la case manga, je crois que ça s'appelait sur la 2 à une époque le samedi matin. C'est parti, c'est qui Pierre de Choc? We'll be right back. Et dans Case Manga sur la 2, il y avait aussi un nouveau générique pour un héros bien connu, puisqu'il s'agit de Nicky Larson. Privé, super bien entraîné pour traquer les méchants, je suis toujours ok. Une main de fer dans un gant de velours, les gangsters frissonnent, je les enferme à double tour. Oui, c'est moi, je suis le cauchemar des gangsters. Avec les filles, pas besoin de revolver. Surtout pour leur plaire, j'ai du savoir-faire. Je suis numéro 1 pour les vilaines affaires. Les voleurs, les tueurs, ça ne me fait pas peur. Je suis l'as de cœur des jeunes filles en fleurs. Oui, c'est moi, je suis le cauchemar des gangsters. Avec les filles, pas besoin de revolver. Oh oui, c'est moi, je suis le cauchemar des gangsters. Avec les filles. Un revolver. Nicky Larson, plus de style que Remington. Je ne crains rien ni personne avec mon Smith et Wesson, bébé. Toujours pareil, quand il y a du danger. Si t'es pas ok, je te fais la tête au carré. Hey. Nicky Larson, plus de style que Remington. Je ne crains rien ni personne avec mon Smith et Wesson, bébé. Toujours pareil, quand il y a du danger. Même les gangsters feraient mieux de se ranger. Du Mont Fuji à Okinawa, aussi respecté qu'un sumo quand je combat. Pour ça, les hors la loi me nomment City Hunter, détective de choc, des criminels sans cœur. Laura Marconi, qui n'est pas ma petite amie, observe mes faits et gestes, me donne des insomnies. Elle m'accuse de regarder des filles dans son dos, leurs yeux s'écarquillent, je suis celui qu'il leur faut. Oui, c'est moi, je suis le cauchemar des gangsters. Avec les filles, pas besoin de revolver. Oh oui, c'est moi, je suis le cauchemar des gangsters. Avec les filles, pas besoin de revolver. Oui, c'est moi, je suis le cauchemar des gangsters. Avec les filles, pas besoin de revolver. Oh oui, c'est moi. Je suis le cauchemar des gangsters. Avec les filles, pas besoin de revolver. Oui, c'est moi. Je suis le cauchemar des gangsters. Avec les filles, pas besoin de revolver. Eh oui, chanté par Diez, Nicky Larson, version 98. Ah bah oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude, ça. Alors, un truc qu'on n'a pas un peu l'habitude non plus, c'est un petit coucou de notre Bernard Minet. Hein. On va se chanter une chanson bien particulière. Je vous dis rien, allez, c'est parti. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi. Pour me serrer la pince, mais comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince, mais comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Vendredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons samedi. Samedi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. mais comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons dimanche. Dimanche matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais pas là, le petit prince se vexa, puisque c'est comme ça, nous ne reviendrons pas. Ah bah c'est clair, je comprends le petit prince. Attends, tous les jours de la semaine, il se pointe, il est jamais là, le gars. Ah ouais, une petite comptine hein, de Bernard Minet. Ouais, c'est vrai, on va avoir une petite comptine. Vous savez, on a mis ça un petit peu en place, vous mettre des petites comptines chantées par nos chanteurs de générique bien aimés. Allez, on redevient un petit peu sérieux. On va s'écouter la chanson de l'araignée, mais version Noam. Voilà, l'araignée, c'est parti. Ouais. Spider-Man, l'araignée. Dans sa toile, par surprise, il arrive et d'un seul coup de poing, il brise l'homme en cœur de vipère. Se retrouve en enfer. L'araignée défend la terre entière. Dans la le générique québécois qu'on avait eu sur la série au départ. Et oui, l'araignée. Qu'est-ce qu'on s'écoute maintenant? Ça vous rappelle des souvenirs, ça? C'était avant l'école. Avant l'école, faut se lever. Quand le soleil vient te caresser le coudiner. Avant l'école, faut se dépêcher. Se brosser les dents, se laver les mains et s'habiller. Avant l'école, il faut manger. Déjeuner pour être en forme toute la journée, sans oublier de retrouver tous tes amis de la télé avant l'école. Il y a des dessins animés, des histoires pour rire et pour rêver. C'est sympa, tous les soucis s'envolent. Oui, c'est vraiment super avant l'école. Avant l'école, faut emporter un petit pain. Chose pour le goûter. Avant l'école, il faut y aller. En autobus ou en voiture ou bien à pied. Avant l'école, faut s'embrasser. Au revoir papa, au revoir maman, je vais travailler. Demain matin, on va trouver tous les amis de la télé avant l'école. Tous les jours, zigzag et malicieux. Avant l'école. Et oui, avant l'école, c'était l'émission qu'il y avait avant le Club d'eau là sur TF1, tôt le matin à 7h du mat là, pour que les gamins regardent les animés. Moi, j'ai jamais compris ça parce que moi, quand j'étais enfant, j'étais pas du tout un couche-tôt, un lève-tôt, je veux dire. Donc, moi, à cette heure-là, je dormais. En plus, comme j'ai la chance d'avoir l'école juste à côté, j'avais pas besoin de me lever beaucoup, beaucoup en avance, tu vois. C'était juste à côté, donc voilà. Donc j'ai profité pour pioncer. Bon, vous n'avez rien à foutre de @tavie, mais bon, #tavie, mais voilà. Mais je vous le dis quand même, hein, je vous le dis quand même. Allez, un petit tour avec notre ami Lionel Leroy. Tofsi, ça vous rappelle quelque chose? Si tu es vraiment sincère, la plume se mettra à chanter. Tofsi, Tofsi, tu aimes la musique. Tofsi, Tofsi, tu es sympathique. Tofsi, Tofsi, tu souris à la vie. Tofsi, Tofsi, tu es notre ami. Tofsi, Tofsi, toi tu nous fais rêver. Tofsi, Tofsi, avec nous viens jouer. Tofsi, alors que Tofsi c'était un tout petit lutin effectivement qui était dans un château où il y avait un fantôme avec un boulet tout ça, il y avait une gouvernante, il y avait plein de trucs et en fait il y avait toujours des méchants qui faisaient des bêtises et donc Tofsi arrivait à les capturer et après avoir une idée géniale avec ses cheveux qui s'étiraient et tout et il dit oh, mais je ferai plus jamais de méchanceté, je serai gentil maintenant. Eh bien, on va voir si c'est vrai grâce à l'herbe musicale. Si tu souffles dessus et si tu es vraiment sincère, l'herbe se mettra à chanter. Et bien sûr, l'herbe se mettait toujours à chanter parce qu'il était toujours sincère. Il était toujours gentil dans le monde de Tofsi. Et on s'écoute une autre rareté maintenant. Ça, c'était un jeu présenté par Bel Air. Oh oh, chevalier, le chevalier du labyrinthe! Antenne 2 à l'époque.